êtes assez fou pour l'écouter. Stéphanie Gagné nous ouvre un autre de ses plats favoris. Marie-Pierre Laforge-Bourret nous parle d'olive. C'est un assemblage requis, ça... on va s'écouter tous les deux, je pense. Ouais, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a un matin? Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, en voiture et tout. On n'a pas été toussé une seule fois. Là, on arrive en onde et toutes les deux en même temps pendant l'intro. Exact. On s'étouffe. C'est beau, c'est beau. On va la refaire. Ah ouais, on la refait. Non, mais pas au complet. Mais... Non. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'émission d'aujourd'hui, François? Marie-Pierre Laforge-Bourret nous parle de livres. Oui. Avec sa chronique littéraire. Et Stéphanie Gagné aura son plat favori, donc ses coups de cœur de la semaine. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Donc, et Mathieu. Mathieu Plante. Je te donne un avant-goût. De mes crudités. Aha! C'est vraiment des accompagnements pour le plat favori, oui. Exactement. Mardi 8 novembre. Jeu vidéo. 2011. Jeu vidéo que t'attendais depuis longtemps. C'est ça? Mardi 8 novembre 2011. Est-ce que je suis dans le champ? Non, pas tant que ça. Non? C'est un Modern Warfare 3? Hey, écoute, tu veux-tu qu'on la fasse suite? Tant qu'à ça. Ouais, ça va être bon. Ça. Je l'attendais le jour-là depuis la sortie du dernier. Deux. Écoute, j'ai hâte. Bon. J'ai hâte, je ne l'ai pas précommandé. J'aurais peut-être dû. Peut-être, hein, parce que c'est populaire quand même. Est-ce que tu vas commander le bundle avec le petit joujou? Non. Il n'est pas très bon, c'est possible. Non, c'est ça. C'est pas un gadget. Non. Tu sais, je suis fan de gadgets. Tu sors de quoi de révolutionnaire? Oh, Mathieu Plante qui tousse. Merci. Je me suis sur ça à l'oreille. C'est beau, hein? C'est beau. C'est est-ce qu'on attendait de ton bord? Je ne penserais pas. Hein? Ben, moi, oui. Ben, tu l'entends dans le studio. Ouais, je sais pas. Écoute, la prochaine fois que tu tousses, je vais virer mon micro. Là. Ah, pour qu'on l'entende bien. Ouais. Ou je peux toujours laisser mon micro ouvert. Oh, ouais. Les tous deux sont tous bien. Ah, ouais. Bravo aux prochains animateurs. Donc, aussi dans l'émission d'aujourd'hui, si je suis capable de parler aussi longtemps, on va faire une chronique Geek CNX avec les nouvelles geeks depuis mercredi dernier. Fantastique. Et on a une chronique, c'est un fait aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est beaucoup de choses, hein? Ça va être intéressant. Ouais. Donc, on devrait commencer en musique tout de suite. Oui, OK. Un petit peu de Rich Aucoin. Oh! Voici Richard. It. Richard au coin. Hein? Richard au corner. Rich in the corner. C'est ça. Richard. Appelez donc par son prénom. Excuse-moi. Donc, ben fatigant. Vous êtes assemblage requis sur C'est fou. c'est bien trop bon, ça, man. C'est écœurant. Hein? Ouais, nous faire jouer des affaires bonnes de même, tu vois, là. The Sounds, ouais. Avec la pièce Ego ce matin. Et puis, j'ai pris l'idée, hein, de. Je vais le dire, en fait, parce que c'est une très bonne émission ici, assez fou. Du Boudoir hier. Cette idée d'une émission bonne de même, ben, Ben, ils ont fait jouer The Sounds. J'ai fait. Oh, wow, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait jouer, là. Mm. Donc voilà. Mais ils se prennent pour qui ces filles-là, sérieusement, le lobby? Voyons, non, on a l'air poche à côté d'eux autres, ils sont tellement bonnes. Oui. Hein? Oui. Le lobby, mais... lundi. Non, le boudoir. Le boudoir. Le boudoir. Pourquoi c'est toi qui appelles ça le lobby? Ah ouais? C'est le boudoir. Non, mais j'ai dit le boudoir, là. Là, t'as dit ça? Ouais? Tantôt, tu m'avais dit le lobby. Ah, ça se peut. Mais tu sais, avec le lobby, dans une maison, ouais, c'est ça. T'as le vestibule le samedi soir, t'as le lobby le jeudi soir, t'as le boudoir le lundi après-midi. Ouais. Mais bon. Puis nous autres, on est la cave. Ah ben j'aime ça, la cave non terminée. Ben, okay. Donc le boudoir avec les ladies Carignan et Beaupré, c'est les lundis à 16h. Et c'est très bon. Oui, c'est en effet remarquable. Allez retrouver sur Facebook aussi, ils sont bien sympathiques là-dessus. Oui, exact. Maintenant dans Assemblage requis, c'est la chronique CNX. CNX la chronique On commence une autre belle semaine de CNX en ce mardi matin parce qu'hier, trop enrhumé pour faire une chronique. Aujourd'hui, on va voir si je suis capable de passer au travail. OK. Donc, si je m'étouffe, tu parleras de n'importe quoi. Ouais, ouais. Tu parleras de ta soirée d'hier. Parfait. Donc, on commence par Mark Zuckerberg, qui est dans les plus puissants de la planète, François-Olivier. Le magazine économique Forbes a établi son classement des personnes les plus puissantes de la planète. Au top 10 figurent des personnalités politiques et, plus étonnamment, le fondateur de Facebook. À 27 ans et riche d'une fortune estimée à 17,5 milliards de dollars, Mark Zuckerberg se classe en 9e position. C'est le président américain Barack Obama qui domine la liste. Au palmarès de l'influence et du pouvoir, Mark Zuckerberg devance toutefois le premier ministre anglais David Cameron, le président français Nicolas Sarkozy et le premier ministre chinois Wen Jiabao. Il est également le plus jeune du palmarès et celui qui a gravi les échelons le plus rapidement en un an, parce que l'an dernier, il était au 40e rang. Ça, c'est la personne la plus influente. Puissante. Puissante. Je vois pas où ce qui prend sa puissance, mais ouais. Bon. On va voir. Pour établir ce palmarès-là, Forbes a pris en compte 4 critères, dont le nombre de personnes sur lesquelles les nommés ont un certain pouvoir. Donc, dans le cas de Facebook, c'est 600 millions de membres. OK. Là, c'est tiré par les cheveux parce que c'est pas tout le monde qui sort de Facebook là-dessus à tous les jours qui vraiment sur lesquels Mark Zuckerberg a le pouvoir, mais bon. Et leur fortune aussi qui est comptée là-dedans. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, figure en 5e position du palmarès de Forbes. Il est là à titre de co-président de la fondation qu'il a mise sur pied avec sa femme, la Bill and Melinda Gates Foundation. Tim Cook, le PDG de Apple, qui a succédé à Steve Jobs, est en 58e. Il a hérité de l'entreprise ayant la plus grande valeur au monde, mais a-t-il hérité de la magie, demande Forbes. L'an dernier, Steve Jobs était en 17e position de ce palmarès. Les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, sont quant à eux placés ex aequo en 30e place. Et le PDG fondateur d'Apple, Jeff Bezos, est quant à lui en 40e. Fantastique. C'est bon. Ça doit être quand même le fun de se retrouver dans cette liste-là. Dans le sens où tu dois être à l'aise financièrement. Et voilà. Et peut-être que figurer sur la liste va le rendre encore plus puissant. Ouais, je pense pas. Mais j'ai de la misère à concevoir que cet homme-là est si puissant que ça. Dans le sens que oui, ok, je suis d'accord, c'est lui qui a instauré Facebook. Mais une fois que c'est instauré, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est vrai ça. Google a annoncé jeudi dernier une amélioration de son moteur de recherche permettant d'obtenir des résultats plus frais grâce à une meilleure indexation des sites Internet plus en phase avec l'actualité. Cette modification qui concerne l'algorithme d'indexation du moteur de recherche devrait toucher 35% des requêtes. Selon Google, les changements apportés à son moteur de recherche, le leader incontesté du marché, permettent de mieux prendre en compte les sujets d'actualité. Le résultat d'une recherche sur Internet, c'est comme un bon verre de jus de fruits un jour d'été, disent chez Google, un responsable de chez Google. C'est meilleur quand c'est frais. Ouais, ouais. Même si vous ne le spécifiez pas dans votre recherche, vous espérez vraisemblablement des résultats qui soient pertinents et récents. Tu vois, c'est tout à fait vrai, ça, François. Ouais. J'arrive sur Google, je tape une recherche sur quelque chose qui, tu sais, qui arrive dans le présent, puis j'ai souvent des résultats de 2007, pour vrai, genre 2008, puis ça me tape vraiment ses nerfs. Sérieusement, ça devrait être au moins... Mais c'est pas parce qu'il y a rien d'ici là? Ou... Non, il y a vraiment des affaires, c'est juste que les résultats dans le temps sont plus liés. Il y a plus de gens qui ont fait des liens, les référencements sont meilleurs. Alors que peut-être que des pages plus récentes, c'est plus difficile. Ah. Alors que, de l'autre côté, sur les blogs, l'autre fois, j'ai tapé, il y avait une faute de frappe dans un des articles du Zone Campus, OK? OK. Dans le nom de Pascal Chalette-Janson. C'était marqué, c'était mal éplé son nom, Janson. Je ne sais même pas comment l'éplé en vrai, encore aujourd'hui. J-E-A-N-S-O-N, je pense que c'est ça. Mais je pense que dans l'article, c'était J-A-N-S-O-N. Puis là, je l'avais collé sur le blog du Zone Campus. J'ai été chercher sur Google, juste pour le fun, dans ma barre. Et puis, j'ai trouvé l'article. Donc, vraiment, instantanément, mal écrit. Okay. Donc, ça venait juste d'être publié, ça, là. Tu sais, ça venait juste. Donc, quand même, Google sur les blogs est des fois assez fort. C'est plus sur les sites statiques qu'il y a de la misère à trouver, des fois. Ah. Voilà donc pour Google. Une brève panne mondiale qui a eu lieu sur Internet hier lundi, François. T'es-tu rendu compte de ça? Non. Pas vraiment. Une mise à jour d'un serveur a provoqué une brève panne mondiale sur Internet. Il était 9h05, heure de l'Est, lorsqu'un bug des serveurs Juniper a fait s'écrouler tout un pan du web mondial. Le problème serait venu d'une annonce BGP amusante qui aurait fait planter plusieurs routeurs Juniper. D'accord. Donc, les gens de chez Numerama expliquent ce qu'est une annonce BGP, qui est Border Gateway Protocol. C'est un message envoyé au serveur qui gère le routage des adresses IP pour signaler sur Internet une nouvelle route à prendre pour accéder à une adresse IP. Donc, si une adresse est coupée, une route est coupée par un serveur d'adressage qui plante, une seconde route prend le relais. Donc, dans le cas présent, ce ne fut pas le cas. À cause d'un message mal formaté ou d'une interprétation qui s'est mal faite, les serveurs ont donc planté et redémarré. En consultant certains fichiers, on peut constater une avalanche de mises à jour BGP. C'est compliqué. Pour envoyer l'annonce BGP, il faut être une entité officiellement déclarée auprès des registres, ce qui permet de disposer d'un système autonome. Il n'y en a que 40 000 dans le monde, donc la piste d'un piratage n'est pas exclue, même si elle semble très peu probable. Level 3, qui fournit la bande passante à de nombreux opérateurs, a été touché, ainsi que Telia, Tata Communications, etc. Il y a une compagnie qui s'appelle Tata Communications. Tata. Sur les réseaux sociaux, les plaintes se sont multipliées, faisant état de ralentissement, de sites inaccessibles, d'erreurs, mais tout semble être revenu à la normale une heure après le début de la panne d'hier. On constate encore quelques petits ralentissements, sans doute à cause des internautes qui n'arrêtent pas d'actualiser leur page pour voir si ça fonctionne. Bon. Toi, t'en es-tu rendu compte? Non, mais je travaillais à ce moment-là. Bon, j'ai pas remarqué. On sait tous que la fin du monde n'a pas eu lieu. On pensait que ça allait avoir lieu sur Facebook. On parle ici sur Facebook, le groupe Anonymous qui avait dit qu'ils allaient attaquer Facebook. C'était une vidéo qui avait été publiée au mois d'août et qui là recommençait à circuler depuis les derniers jours parce que bon, les gens savaient que ça se passerait cette semaine. Et voilà, exactement. Donc, ça mentionnait que le groupe allait détruire purement et simplement le réseau social Facebook. L'information a cependant rapidement été démentie par Anonymous qui a accusé des individus d'utiliser son nom. Donc, comme vous avez constaté cette fin de semaine, ça a été le calme plat du côté de Facebook. Aucune attaque informatique n'a eu lieu. Le groupe de pirates a même publié un communiqué pour clarifier la situation. Et je cite, « Anonymous est un mouvement qui repose sur la communication, notamment via Facebook, avec les gens autour du monde afin que nous puissions aider les uns les autres. Un drôle de gars nommé Anthony Guerra, ou Guerra dans l'Ohio, a décidé de prendre sur lui et de créer une opération Facebook imaginaire. Mais cette opération est bidon. » Fin du communiqué. En revanche, Anonymous a aussi a réussi un autre pari, par contre, celui de faire reculer un cartel de la drogue mexicain, Los Zetas. Ce nom est peut-être pas inconnu parce qu'on en avait parlé dans des articles sur Internet, dans une affaire de cartel où il y avait une femme qui avait été décapitée pour ses tweets. On avait parlé de ça à CNX, je crois. Ah, je sais pas. Qui avait été tuée pour ses tweets sur la drogue, est-ce que tu te rappelles, dans les premières chroniques au début de la session. Peut-être. Bref. Récemment, le cartel avait kidnappé un membre d'Anonymous dans la ville de Veracruz, au sud-est du Mexique. Apparemment énervé par cet enlèvement, Anonymous a répliqué rapidement en annonçant avoir à sa disposition 25 000 courriels piratés contenant les noms de complices des États. Ça, c'est le cartel de drogue. Des policiers, des journalistes et des chauffeurs de taxi seraient ainsi liés au cartel. Jeudi dernier, Anonymous a annoncé renoncer à diffuser les informations après avoir eu la confirmation de la libération de l'otage. Également, en fin de semaine dernière, Anonymous a déclaré la guerre à Israël. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le groupe menace Israël d'attaques massives et répétées des systèmes informatiques si le blocage de Gaza est maintenu ou si d'autres interceptions de navires sont tentées. Wow. D'ailleurs, plusieurs sites officiels sont tombés dimanche. On compte ceux de Mossad, de l'armée, du Shin Bet, ainsi que ceux de plusieurs services ministériels. Donc, c'est Anonymous qui fait tout ça. Es-tu si fort que ça? Ça a l'air à ça. Ben, ça a l'air, mais c'est facile. C'est facile, moi, de dire, mettons, je sais pas, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, appeler toute la gang, là, de dire que j'ai des gros bras et que je pète des gueules. Ouais, mais eux autres, c'est qu'ils l'ont fait, là. Il y a des preuves qu'ils l'ont fait. Ben, pas des preuves, en tout cas, qu'ils ont accepté ou pris le crédit pour. C'est sûr que c'est facile de prendre le crédit pour la job de quelqu'un d'autre, mais en même temps. Je sais pas, hein, parce que. Rôle de hasard, quand même. Je sais pas. Dur à dire. Revenons sur Google. Google Street View, on en parlait la semaine passée, qui s'intégrait dans les magasins. Tu te rappelles, on avait parlé de Street View dans les librairies, des trucs comme ça. Bon. Qui entrait. Exact. Donc, Google Street View va aller encore plus loin et en fait, à l'extérieur, le service de cartographie virtuelle compte de nouveaux coins à explorer. C'est des images en 360 degrés des plus beaux parcs et jardins de 22 pays différents. Comme à son habitude, pour arriver à se glisser dans ces endroits étroits et difficiles d'accès, Google a recours à des tricycles équipés de caméras permettant des prises de vue panoramiques. Impressionnant quand même. Le travail des employés de Google s'est déroulé l'an passé, mais le résultat vient juste là d'être mis en ligne. Vous pouvez aller voir l'article sur assemblagerequis.com. Dans une galerie, on peut découvrir quelques-uns des lieux les plus extraordinaires que Google a photographiés. Les clichés sont aussi directement accessibles dans Google Maps en effectuant une recherche classique. On peut visualiser les allées du jardin botanique de Kirstenbosch en Afrique du Sud, l'étonnant Highline de New York ou encore le parc de Kogane au Japon. Rappelons que Google déploie en ce moment dans 37 pays son service offrant des vues à l'intérieur des bâtiments, comme on disait. Les commerçants ou restaurants intéressés peuvent ouvrir leurs portes aux équipes de Google Street View, manière d'attirer quelques clients supplémentaires avec des images plus évocatrices. Formidable. J'adore ça. On ne sait pas si il faut que les commerçants ils payent. Je ne pense pas. Mais peut-être. Vraiment une idée intéressante dans ce cas-ci. Nvidia qui dépose un brevet pour un ordinateur au format clé USB. Qui? Nvidia. La compagnie de cartes vidéo, entre autres. Okay. C'est Nvidia. Donc, Nvidia a enregistré un brevet assez intéressant aux États-Unis. Il s'agit d'un concept de nano-ordinateur de la taille d'une clé USB qu'on peut brancher à un écran et qui dispose lui-même d'un port extérieur. Donc, la taille de l'objet est de 40 par 60 mm de profondeur. De 40 à 60 mm de profondeur, pardon. Et de 10 à 12 mm de profondeur. De l'autre côté, là. Et 5 à 10 mm d'épaisseur. Bon, on peut se visualiser ça comme un prisme, hein? Dimension très modeste pour une solution qui demeure quand même assez complète. L'engin pourrait avoir de nombreux ports différents. On parle d'un port USB, FireWire. Okay. Mm-hmm. FireWire, je comprends pas pourquoi ils mettent un port FireWire qui est presque plus utilisé dans le domaine mainstream. Donc, pourquoi mettre ça là-dessus? Je comprends pas trop, mais c'est pas grave. HDMI pour l'image, Ethernet pour l'Internet et un port propriétaire pour une interface plus complète. Donc, peut-être un port que tu pourrais brancher qui mènerait vers d'autres ports, un genre d'extension, tu sais. L'idée, c'est d'avoir cette clé dans la poche et de la connecter à un écran qui va l'alimenter via USB. Hein? L'idée n'est même pas nouvelle. En fait, le format qui a servi à la présentation du Tegra, qui est le nom de l'appareil, est très ressemblante à autre chose. À l'époque, Nvidia avait présenté sa puce au format SODIMM avec l'espoir d'une adoption par les fabricants de télévision. Ça a été abandonné plus tard. On imagine qu'un constructeur de télé aurait pu proposer une genre de trappe à l'arrière d'un téléviseur et là, on aurait pu insérer cet appareil-là, découvrir des services supplémentaires, peut-être comme la lecture de films, de musique, l'accès à Internet, le streaming de vidéos. Avec ce brevet-là, Nvidia va pouvoir ajouter ses fonctionnalités directement au téléviseur ou aux écrans sans avoir besoin de passer par un accord avec un constructeur pour l'implanter, vu que ça va être une prise USB. Directement USB dans l'écran. Et je sais pas, est-ce que les écrans récents ont des prises USB sur le côté, pas tant que ça? Oui. Oui? Ben oui. Je l'ai pas vu. Va falloir que je m'en achète un avec ça, moi, ouais, c'est ça. C'est pratique, ça. Des hackers pirates, le site d'un hacker. Ouais. Dans le genre arroseur arrosé. Un hacker a vu son site compromis par un second groupe de hackers n'appréciant pas les pratiques de celui-ci. Plus précisément, un internaute se faisant appeler Sribical. Comment? Sribical. S-R-B-L-C-H-E, je crois. Et apparemment localisé au Koweït, administrait une plateforme commerciale illégale au sein de laquelle il vendait différentes informations volées sur les serveurs de l'armée américaine, du département de la défense des États-Unis ou encore de la garde nationale de l'État de la Caroline du Sud. Oh, tu on dirait que je m'attaquerais pas à ça. Non? Non. Dangereux? Ben... J'imagine. Ouais. Plus qu'on entend. Ouais, c'est ça. Mm-hmm, pas safe. Par ailleurs, Cerebical monnayait ses services auprès des consommateurs souhaitant compromettre certains serveurs. Le cabinet de sécurité Impervia explique que le hacker en question proposait un catalogue de vulnérabilités SQL, d'accord, et permettait aux internautes d'acheter certaines d'entre elles pour opérer une attaque. Par la suite, l'accès au site est devenu payant. Le groupe Deeds, D33DS, là, a donc lancé une attaque sur le site Cerebical.com et publié sur Pastebin. Ça, c'est un site où tu peux copier du texte. Okay. Les informations relatives à ce serveur. Il faudrait être aussi fou que lui pour accepter de payer pour ce service. C'est quand même direct. Hein? Oh. Sir Buckle était notamment connu pour avoir récupéré des outils mis au point par d'autres hackers afin d'en tirer profit. Oh, ça, c'est pas fin, ça. Pas fin. Parlons d'une seule nouvelle de jeux vidéo. Depuis les derniers jours, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose en termes de jeux vidéo, mais quelques rumeurs sur la prochaine Xbox. Oh! Plus le temps passe, évidemment, plus les rumeurs sont fortes. Mm-hmm. Mm-hmm. On parle de quoi? Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on avait une date? On avait parlé de ça la dernière fois. Je crois que ça a pas changé. C'était pas... Xbox, on savait pas trop la dernière fois. C'est ça. Attends, si je me rappelle bien de l'ordre, c'était genre été 2012 pour la Wii U. Ouais. Fin 2012 pour soit la PS3 ou la Xbox, puis je crois la en 2013 pour Xbox, peux-tu? Je parle en l'air. Ben, un peu, je sais pas, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, parlons des rumeurs. De toute façon, la date, même si c'est dans les airs, ça pourrait changer avec le temps. Donc, voilà. On tient donc une nouvelle pseudo-information concernant la prochaine Xbox, rapportée par un blogueur qui a déjà su faire ses preuves en ce qui concerne les rumeurs d'abord plausibles, et puis ensuite vérifiées. Selon ce MSN Nerd, le nom de code de la console serait passé de Xbox TV. Tu vois, moi, j'avais entendu Xbox Next dans le plus récent article que j'avais lu en nombre. Xbox 720? Ouais, ça, c'est plus un nom parodique, genre de 360 x 2. Je pensais pas que ce serait jusqu'à... Mais Xbox TV, donc, c'est passé à Loop. LOOP, un peu comme une boucle de son, une loupe. Et celle-ci serait basée sur une version modifiée de Windows 9. Hein. Tu sais, Windows 8 n'est pas encore arrivé avec sa petite interface tactile de Mahaha. Ah, tu sais pas, tu l'as pas assez. Mais t'as vu les vidéos? Non. Va voir les vidéos. Windows 8. Il y en a beaucoup qui adorent ça, mais moi, j'aime vraiment pas le système Windows 8. Donc, peut-être que Windows 9 est encore une copie de ça. Cette fameuse console Loop serait également bien plus petite que son aîné et devrait être vendue moins cher. Bonne nouvelle dans ce cas-ci. Le tout disposerait d'une architecture proche de la Zune HD avec un processeur principal. Le Zune, ça, c'est le lecteur MP3, l'échec total. Processeur principal assisté de multiples cœurs dédiés au graphisme, au son, aux fonctionnalités réseau, au codage et aux capteurs. En effet, cette nouvelle console devrait disposer de ses propres capteurs avec une sorte de Kinect intégré genre, mais en plus évolué. Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes, comme nous dit l'article de jeuxvideo.com. Xbox 360 Release Date. Est-ce que tu as trouvé quelque chose là-dessus? Non, mais là, je sais pas, je suis en train de regarder le Windows 8. Ouais. Attends, tout en même temps, c'est difficile. On va terminer avec les nouveautés en magasin cette semaine. François, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont t'intéresser. C'est sûr que Noël approche. Hein? Ah, là, j'ai pas éteint mon micro. Oui, Noël approche, c'est là que les grosses sorties de jeux vidéo se font. Et d'ailleurs, Call of Duty Modern Warfare 3. C'est la grosse sortie de la semaine sur multiplateforme Xbox 360, PS3, DS et PC. Oui. À la DS? Oui, à la DS. Je savais que t'allais remarquer. Oh, ouais. Ouais, une version, j'imagine, un petit peu plus légère. Hein, de... J'imagine. Genre. Je le souhaite pour la console. Mais... Ouais, c'est ça, ça va sentir le réchauffer mais, là-dedans. Si est-ce que ça sort bien quand même? Est-ce que. À quoi on peut s'attendre si. J'ai même pas vu. J'ai pas été voir les vidéos. Tu sais comment c'est le genre de jeu qui m'intéresse donc, là? Ouais, ouais, non, je sais, mais juste faire la comparaison. Et en plus, c'est que ça dit que ça sort sur la DS, là, pas la 3DS. Là. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans l'article. Là. J'imagine que ça doit être la 3DS. Ah, Je vois DS sur le site de IGN.com. Moi, j'ai vu 3DS. Je vois vraiment la couverture, c'est marqué Nintendo DS. Mais peut-être qu'il sort aussi sur la 3DS. Ça, je pourrais pas dire. En tout cas, peut-être que c'est pas à la même date. Bref. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Là, tout le monde capote sur Skyrim de ces temps-ci. Sur Xbox Skyrim, S-K-Y-R-I-M, c'est le nouveau Elder Scrolls. Non? Non. Bon. C'est sur Xbox 360, PS3 et PC. Lego Harry Potter's Years 5 through 7 sur Xbox, PS3, Wii, 3DS, DS et PSP. Eux, ils tartinent partout. Hein? Tu peux pas manquer ça. Non. Metal Gear Solid HD Collection, la réédition des jeux de Metal Gear Solid sur Xbox 360 et PS3. Oui, en HD. Je pense ça. En HD. Wow. The Black Eyed Peas Experience, là, dans la suite de Michael Jackson Experience. Là, c'est sur Xbox et Wii. Happy Feet 2 pour le nouveau film là, de dessin animé. Xbox 360, PS3, Wii, 3DS et DS. Encore une fois, tartine partout. C'est un jeu de film. Un jeu de film, c'est toujours partout. Hein, Nickelodeon Dance. Wow, un jeu de danse, mais avec Nickelodeon. Tu sais, les personnages de dessin animé genre Dora. Sur Xbox 360 et PC. Et Cartoon Network Punch Time Explosion sur Xbox 360, PS3 et Nintendo Wii. Sur PC seulement, on parle de L.A. Noire Complete Edition. Sur Xbox 360, Your Shape Fitness Evolve 2012, un jeu de gym là, de Ubisoft. Raving Rabbids Alive and Kicking, Big League Sports et Winter Stars. Sur Nintendo 3DS maintenant, un jeu que j'attends depuis quand même assez longtemps, mais que j'ai très très hâte de jouer parce que je l'ai acheté sur Mac. Il était en gros rabais Big Deal Special là, sur le Mac App Store. Cave Story. Genre de petit jeu de plateforme, là, super rétro, super bien fait. Très, très, très, très beau. Allez voir ça sur YouTube. Ils vont sortir une version en 3D avec des décors tout à fait refaits pour la 3DS. Il va y avoir le mode classique intégré à l'intérieur du jeu aussi. Donc, comme deux jeux pour le prix d'un. Cave Story 3D sur Nintendo 3DS. Et finalement, Michael Jackson, The Experience aussi sur 3DS. Et un seul jeu sur DS et DSi, Bakugan Rise of the Resistance de Activision. Voilà pour les nouveautés en magasin. Hein? C'est bon. Est-ce qu'on finit avec du chip tune? Ouais. Bah, c'est pas l'air sûr. T'as-tu un choix de réponse? Ben, mon choix de réponse, c'est oui maintenant ou oui 5 secondes plus tard. OK. Il n'y a pas oui 5 jours plus tard? Ah ben là, dans 5 jours, je vais en remettre d'autres sûrement. Pas la même pièce. Hein? Bon. On va y aller avec la pièce Moon Fragments VGMMM par l'artiste J-Red. J-R-E-D-D. Hein? Une nouvelle pièce faite à partir d'un Sega Genesis. Vous savez, chiptune, c'est souvent de la musique. Ben, en fait, le mot chiptune, tel que je l'utilise dans la collection NX, ça englobe tout ce qui est musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou de la musique qui est faite pour reproduire le son un peu ouais, de consoles de jeux. C'est ça qui y ressemble. Parce que sinon, il y a des sous-catégories dans le chiptune et dans la musique chip music ou whatever. Donc, celle-ci est une pièce créée à partir d'une console Sega Genesis. Donc, je vous laisse entendre ça. J-Red avec Moon Fragments tout de suite dans la chronique CNX. Est vraiment bonne. Encore une fois. Wow. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. On accueille quelqu'un de nouveau assez fou là pour la première fois. C'est pas qu'on le présente. Non. Non. C'est notre ami Manic. Ouais, ouais, il se présente lui-même. Ouais, mais c'est juste pour dire c'est la première fois qu'on le fait jouer. Ouais. On va l'avoir ici à Assemblage Requis et dans le dîner de cons. Ouais, à tous les jours. Avec les nouvelles de l'AGE, voici donc Malik. Malik Dieng, vice-président communication de l'AGEQTR. Les activités de votre association étudiante cette semaine. Mercredi 9 novembre, vous êtes invité à assister à la conférence sur la politique canadienne de M. Robert Aubin, député du nouveau Parti démocratique à Trois-Rivières. En parallèle, les étudiants qui veulent s'informer sur les services de l'AGEQTR ou sur le mouvement étudiant sont invités à rencontrer des officiers de l'AGE qui vont tenir un kiosque à la cafétéria entre 11h30 et 15h30. Jeudi 10 novembre, votre association étudiante participe vivement à la manifestation nationale contre la hausse des frais de scolarité. Les autobus quittent de Trois-Rivières le jour même à midi devant l'entrée principale de l'université. Il reste encore des places pour s'inscrire gratuitement sur les listes d'autobus disponibles au local de l'AGEQTR. D'autre part, durant tout ce mois de novembre, dans le cadre de l'activité Fu Manchu Movember, envoyez une photo de vous avec une moustache sur la page Facebook et courez la chance de gagner un cabaret de bière lors de la soirée du 30 novembre. C'était le tour des activités de l'AGEQTR cette semaine. Merci Malik. Wow! Hein? On aime ça? Eh oui, c'est Malik de l'AGE avec les activités du campus. On va le retrouver à tous les jours ici dans l'assemblage requis et dans le dîner de cons, mais on ne le présentera pas à chaque jour par contre. Il se présente seul, tu l'as dit? Oh, oui, il se présente. On l'a. Il se présente bien. Oh, oui, mais fort sympathique à Malik. Mais quand on le croise, faut toujours qu'il nous serre la main et puis... Petite pince! Ouais. C'est très apprécié. Enchanté Malik, heureux de vous avoir avec nous. See you. la poche bordée d'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est deux dans un dos, y'a la poche bordée d'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. Sous l'effet de la vague de Roland Frac, votre nouveau guide spirituel à Assemblage requis. on aime son concept. C'est génial. D'ailleurs, il y a eu un bon article de lui dans l'hebdo de Masquinongé. Ah oui? Ouais. Eh bien, Colin, c'est sûrement sur son Facebook. Hein? À chaque fois qu'on dit quelque chose sur lui, ça finit sur son Facebook. Fait que bonjour Roland Frac, on t'aime. Bonjour. Citation Mathieu Plante d'Assemblage requis. Bonjour. Citation François-Olivier Mathieu Plante. Ouais. Maintenant, François, c'est la chronique C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ça fait un bon bout encore qu'on n'a pas fait C'est un fait. Donc, il y a plein de petites choses à apprendre, François. Oui. Pas de l'avant. Ben oui. On dira qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Moi, t'as dit. Sais-tu que la Chine... OK, la Chine, tu connais? Ouais. Tu connais? Il coupe 3,8 millions d'arbres par année pour produire 57 milliards de paires de petits bâtons, là, chopsticks, là, pour manger. Ah ouais? Des baguettes. C'est ça, des baguettes. Donc 3,8 millions d'arbres pour 57 milliards de paires. Ah. C'est quand même possible. Savais-tu que le bonhomme Pillsbury... Ouais. On a déjà parlé du fait qu'il y avait un nom. Hein, c'était ouais. Poppin' Fresh, là, ça, tu te rappelles de ça. Mm-hmm. Savais-tu qu'il y a une femme aussi, Poppy Fresh? Ah et non! Deux enfants, Popper Fresh et Bun Bun Fresh? Non. Bun Bun? Non, c'est pas. C'est le fun. Je savais pas, mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que dans le boudoir, hier, ils en ont parlé. Le boudoir, pas le lobby. Ouais, le boudoir. L'émission du lundi à 16h avec exact. Les ladies Carignan et Beaupré. Exact. Ils ont parlé. Oui, on parlait de la hauteur du bonhomme Pillsbury qui mesure 8 pouces et quart, si je me souviens bien. C'est comme un 3 quarts de 12 pouces de sous-marin. À peu près. Ouais. Wow, c'est quand même pas pire. Ouais, ouais. Belle petite bête. Comme animal de compagnie, ça doit être la fun. Ouais. Un peu comme les hippopotames d'appartements, de maisons. Ils ont recommencé à passer les annonces, hein, t'as-tu vu? Hein? Les hippopotames de maison. Rhinocéros, hippopotame. En tout cas, l'animal, là, c'est comme. C'est une genre d'infopub qui parle d'animal de compagnie qui est un minuscule rhinocéros ou hippopotame. Puis il faut le nourrir de graines de toast au bar de peanuts. Ah non. Puis tu vois le petit animal se promener dans. Non, c'est quoi ça? C'est super le fun. C'est un vrai animal? Non, c'est faux, mais c'est ça qui est le fun. Je me rappelle pas, ça parle de quoi la pub, mais justement, ça joue depuis comme. Depuis que j'étais tout jeune à Canal Famille, puis je me rappelle toujours pas de quoi ça parlait, ça non, ça, mais. Non, je m'en souviens pas. Elle est fun. Ben, je m'en souviens pas. Je l'ai pas vu. Pas grave. Tu connais Bryan Adams, évidemment. Oui. Est-ce que tu connais l'artiste Ryan Adams? Non. Qu'on fait jouer des fois assez fou? Non, pas son frère. C'est un autre musicien, un autre artiste. Ben, ils ont la même date de fête. Ah ouais? Qui est le 5 novembre. Ryan et Brian. C'est débile, hein? C'est quand même la fin. Est-ce que t'as le palmarès? Passe-moi le palmarès. Ouais. Deux secondes, s'il te plaît. Parce que je me rappelle pas, mais je crois que Ryan Adams est rendu dans le top 30. Oui, en position numéro 28 avec l'album Ashes and Fire. Ah, ouais. C'est Ryan Adams. Ah, je sais pas. On a déjà fait jouer? Ben, faudrait qu'on leur fasse jouer tantôt. Ouais. Donc, la même fête que Bryan Adams sont presque monnaie. Ah, c'est le fun. Il est content. Je suis sûr qu'il est vraiment content. Non seulement qu'il se fait tout le temps comparer à Brian, mais en plus, même fête. Même anniversaire. On parlait du Pillsbury Doughboy, le petit bonhomme Pillsbury, tantôt. Il y a un autre personnage qui a un nom assez spécial. Hein? Tu sais, Miss Piggy. Ouais. Dans les Muppets, elle a un vrai nom. C'est Miss Piggy Lee. Un peu comme Pamela Lee Anderson dans le temps. C'est Pamela Lee. Hein? C'est le même genre de choses. C'est qui s'était marié avec Tommy Lee. C'est ça. Donc, sûrement que Miss Piggy aussi. La première version du jeu Twister, ça s'appelait King's Footsie. King's Footsie. Footsie jouait avec les pieds là, du roi. Ça devait être un jeu de roi, royal. La chanson Jingle Bells n'a pas été écrite pour l'Action de Grâce. Enfin, a été écrite pour l'Action de Grâce, hein, je pourrais le dire à l'endroit, et non pas pour Noël. Tu sais, Jingle Bells, là? Ouais. Jingle Bells, Jingle Bells. Le titre original de la chanson était The One Horse Open Sleigh. T'sais, c'est toutes des paroles dans la chanson. C'est ça. C'est une chanson d'Action de Grâce dans le temps. Une étude a identifié que les poignées de pompe de stations de service, les stations d'essence, les poignées de ça, là, sont les surfaces les plus infestées de germes que les Nord-Américains touchent dans leur vie. Okay. C'est là qu'il y a le plus de microbes. What? Les pompes de stations de service. Mmh. Eh ben. Sauf les Américains qui vivent dans l'Oregon et dans le New Jersey. Qui, eux, apparemment, ont plus de stations-service avec service complet. Là, c'est que la personne vient te Ah, OK, ça. OK, ouais, avec service. Est-ce que tu sais s'il y a une raison pour ça qu'il y a beaucoup moins de services à l'auto, non? Ben, c'est moins populaire. C'est moins, ça coûte plus cher, peut-être, avoir des employés pour ça, quelque chose genre. Ben, le gaz est plus cher aussi. Ah, c'est ça. Le gaz est plus cher, mais c'est pas assez, genre, 0,5 sous du litre de plus cher. Quand tu vas dans une station avec service. Ouais. D'accord. C'est la moitié d'un sou de plus cher, par contre. Pas si pire. Les chiens qui se font promener par des hommes, et contrairement à des femmes, des chiens qui se font promener par des hommes ont 4 fois plus de chances de mordre. Ah ouais? Parce que les hommes sont plus agressifs, j'imagine. Je sais pas, peut-être qu'ils l'attirent plus par le cou, je sais pas. C'est bon. Ça l'explique pas. Mm. Mille pattes? Est-ce que c'est mille pattes? Je sais pas. Les centipèdes? Ouais, centipède, c'est 1000 pattes en français. Mm-hmm. Tu vois, en anglais, c'est 100 centipèdes. Ouais, on s'en doute pas. On se doute bien qu'il n'y a pas 1000 pattes. Ben, il n'y en a pas, c'est ça. Parce qu'ils étudient ça depuis une centaine d'années, les 1000 pattes. Et ils n'en ont jamais trouvé un qui avait en anglais 100 pattes. Donc, je ne sais pas si en français, il y en a vraiment 1000. T'sais. Peut-être que les 1000 pattes francophones ont... ont plus de pattes. Ont plus de pattes, ben oui. Ont 10 fois plus de pattes. C'est ça. OK, va sur YouTube.com, François, pendant que je te parle. Là. Va sur YouTube.com, d'accord? Vas-y. Si tu n'étais pas déjà en train de regarder les petits chats en train de faire de jouer avec des boules de laine. C'est ça. Ouais. Attends qu'une vidéo se charge, OK? Et appuie. Aussitôt que... Wow. Vas-y. N'importe quelle vidéo. Quand il est à 0 minute 0 seconde, OK? Ouais. Et quand il y a le chargement, là, fais flèche de haut et flèche de gauche en même temps. Tu diras si ça fonctionne. Flèche de gauche et de haut? Et de haut en même temps. Quand t'appuies sur une vidéo qui va se charger, pendant qu'il se charge. Est-ce que ça fonctionne? Ben, ça fait rien. Non, il y a une pub qui. Il y a une pub, ah, c'est ça, il y a une pub, mais après la pub, mettons. Okay. Tu vas pouvoir jouer au serpent, tu sais, comme ces calculatrices, là. Tu sais, Texas Instruments, t'avais le petit jeu du serpent, là. Ah? Tu te rappelles pas de ça? Ben, tu peux oui, jouer mais... à ça, mais à l'ordinateur. Pas vrai? Sur YouTube. Mais quand t'as quand t'attends. C'est pas une autre pub, ça? Non. Hey, y en a-tu des pubs, hein? Y en a-tu des pubs? On peut pas chialer parce que c'est gratuit puis on veut que ça reste là, mais Mo t'as dit que c'est fatigant. Donc, me voilà en train de chialer, ça. Non, ça marche pas. Toujours pas, bon, en tout cas. C'est supposé marcher, là, pour laisser à la maison, flèche du haut, flèche de gauche. Peut-être clavier. Ouais. Peut-être que c'est clavier aussi, hein. Ouais, j'imagine. Un appel sur un téléphone cellulaire en moyenne, combien de temps est-ce que ça dure en date de mars 2011? Un appel moyen sur un téléphone cellulaire. Un appel moyen, je dirais une minute. T'es proche. C'est 73 secondes. Non, 1 minute 13. 1 minute 13. T'étais vraiment, vraiment proche, François. Mais c'est vraiment pas long. Non, hein? Non, c'est vraiment pas long. En même temps, pas surprenant parce que j'ai eu ça à parler au téléphone. Ouais. C'est vraiment plate. Non, mais c'est rare que tu vas appeler quelqu'un sur son cellulaire pour lui parler longtemps. Ouais, tout à fait. Queen. Ah, j'aurais dû te demander ça comme question, mais j'ai pas Queen. Pensé. La réponse est Queen. Le seul groupe dans lequel chaque membre a individuellement écrit plus qu'un succès qui s'est rendu au number one du Hit Parade. C'est bien, ça. C'est bien. Mmh. Queen. Ouais. Un homme, là on va avec des pas articles. Une femme. Non, un homme, un article un petit peu plus explicatif. C'est certain que c'est un homme. Okay. Avec un swing. Okay. Donc un homme a été trouvé. Désolé, hey, parle pendant une seconde, Jean, pendant que je ferme mon micro. Hey, vas-y, ok, oui. Bonjour. C'est. Mathieu Plante va nous raconter l'histoire d'un homme. Yeah. Oui, un homme qui s'est réveillé à côté d'une poubelle. OK. En 2004. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Ça t'arrive à toutes les semaines. Non, mais tu sais, quelqu'un amoché par l'alcool peut se... T'sais. Tout à fait. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Okay. Donc, en 2004, un homme se trouve près d'une poubelle et depuis ce temps-là, personne, et même pas lui-même, sait qui il est. Hein? On appelle ça de la retrograde amnesia. Mais non. Amnésie rétrograde, c'est vrai. Comme dans les films. Pareil comme dans les films, mais ça existe dans la vraie vie, ça. Donc, il utilise le pseudonyme Benjamin Kyle. BK, devine pourquoi. Benjamin Kyle, devine pourquoi. La Ben Ardure? Non. Non? Il s'est réveillé à côté de Burger King. BK. Ah? Oh? Pas vrai. Donc, il a été trouvé à côté d'une poubelle d'un Burger King. Ben, je peux pas croire qu'il y a personne qui... Ben, qu'il connaît ou... Justement, les docteurs ont vu qu'il y avait, bon, 3 bas sur la tête. Donc, on sait qu'il a été frappé avec un objet, un gros objet. C'est sûrement la cause. Ça l'a laissé avec aucune idée de qui il est depuis 2004. Et en fait, quand il s'est réveillé, il pouvait même pas reconnaître lui-même sa propre face. Donc, ils ont essayé de trouver son identité. Et ils ont même utilisé des méthodes sophistiquées comme le test d'ADN, etc., etc. Mais il y a aucun numéro d'assurance sociale, le gars. Il n'y a aucun numéro d'assurance sociale. Il avait aucune carte d'identité sur lui. Donc, sûrement que c'était un genre de vol d'identité. Puis, il frappe sa tête, puis... T'espères qu'il meurt, genre, par le criminel, mettons? Peut-être, j'imagine. Ouais, mais en même temps, tu peux pas t'assurer qu'il va tout oublier, là. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Non, mais t'espères qu'il meurt, dans le sens que, tu sais, tu penses... Puis s'il se réveille, il n'y a peut-être rien à faire, tu sais. Comment tu vas... Non, mais tu peux pas espérer qu'il meurt. Pensait qu'il l'était. Non, mais tu peux le tuer. Tu sais, tu t'assures... Ouais, peut-être que le gars pensait que, ça allait, que c'était assez pour le tuer. Non? Ben, je sais pas. En même temps, quand tu veux tuer quelqu'un, ben, je sais pas. Ouais, écoute, un criminel de base. Mais tu t'assures que le travail soit fait. C'est sûr, mais un criminel de ruelle, tu sais, c'est peut-être son premier crime, le gars. Ouais, premier crime, il commence raide. Ben, c'est ça, il commence raide, même moment. Slack him with fork. Fais les affaires, fallait pas à moitié. Non, c'est génial. Non, mais ouais, vas-y, c'est bizarre, ça m'intrigue. Ouais. Je vais commencer à enquêter là-dessus. Cool. Donc, aucun numéro d'assurance sociale. En 2011, il a déménagé à Jacksonville, en Floride, et c'est avec l'aide d'un sénateur de la Floride qu'il a été capable d'obtenir une carte d'identité avec photo. Ça, et en plus, bon, il s'est fait voir dans un documentaire d'une école, d'une université. Donc, ça l'a aidé à trouver un emploi et une place où vivre. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas passé dans les médias. Ben, il est passé dans un documentaire d'une école, d'une université. C'est peut-être pas grand-chose. Mais tu sais, à la limite, fallait passer dans un média juste pour voir si quelqu'un le connaît. Ouais, à la télé. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Il n'est pas arrivé d'ici. Mais tu sais, si c'était, je sais pas, un sans-abri peut-être. C'est sûr qu'il y a du monde qui le connaît, par exemple. Ouais, peut-être. C'est sûr. T'as pas le choix aujourd'hui de côtoyer des gens. Mais ça fait super longtemps qu'il est dans la rue, peut-être. Je sais pas, non? Mais justement, il y a du monde de la rue qui vont le reconnaître. Personne connaît son nom. Non, mais tu sais, quand même que tu restes dans la rue, ouais. tu côtoies des gens, là, tu sais, si... Non, c'est vrai que les chances sont très, très fortes de trouver au moins une personne dans le monde qui le connaît. Ah non, c'est fou, puis ben, à la limite, tu t'attaques juste aux États-Unis, c'est là que ça s'est passé, ouais. Bon, ben, tu sais, tu commences par là. Ah, je sais pas, c'est bizarre, ça, c'est... T'as raison. C'est vraiment bizarre. Tu demandes au moins aux gens qui travaillent chez Burger King, à cause de ça. T'as que c'est un client. Non, mais c'est lui qui m'a pris des mecs croquettes chez Burger King. C'est vraiment bizarre, ça. Ouais. C'est intrigué. Un autre fait très intéressant, François, il nous en reste deux à peine. Deux très, très bons. On va finir sur des bonnes notes. Commençons par... Tu connais Dove, premièrement. Dove? Pas les chocolats, le savon. Ouais. Le savon. Et Axe, tu connais Axe aussi? Oui, le parfum. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui définit la marque Axe? Non, je veux pas. Non, mais tu sais, selon les publicités, Axe, c'est quoi? Axe, c'est un truc pour attirer les filles. C'est ça. Et Dove, c'est quoi? Dove, c'est un truc pour avoir une peau super douce. Et la beauté naturelle des femmes. Tu te rappelles les publicités sur ça, Dove, self-esteem, c'est l'estime de soi et toutes les femmes sont belles. C'est vrai, tu te laves, c'est bon pour l'estime de soi. Ouais, leur publicité est basée autour de ça. Okay. Toutes les femmes sont belles, peu importe leur taille, leur grosseur, etc. Bon. Donc, savais-tu que Dove et Axe, ben, c'est par la même compagnie. Ok. Moi, je savais pas ça. C'est un peu ironique, là. Tu sais, t'as d'un bord, toutes les femmes sont belles. De l'autre côté, les femmes vont se pitcher sur toi si tu portes du Axe. Oh, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est comme ça que ça se passe. Dans le temps des fêtes, c'est le même. Ah. C'est le même. Et on termine avec un fait sur les condoms, François. Oh. Savais-tu que les condoms Magnum sont pas tant plus grands que les condoms normaux? Non. C'est impossible. C'est impossible. T'es déjà jamais essayé? Le nom Magnum est surtout juste pour le marketing. Donc, le nom et la marque Magnum donne l'impression aux hommes qu'ils ont besoin de plus gros condoms que la normale. Trojan, qui est la compagnie qui fait les Magnums, espère que la marque va attirer, vont faire que les hommes vont préférer leur marque à celle des autres parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ont un plus gros swing. Dans la réalité, les Magnums sont à peine 0,32 pouces plus longs que les Trojans réguliers et les deux, les deux sortes, normaux et trojans, pardon, Magnum, ont 2 pouces de circonférence à la base. Aucune différence dans les deux. Ah. Je sais pas ça. La différence principale entre les Magnum et d'autres condoms réguliers sont dans la largeur du bout vers le bout, là. Le bout vers le De quoi tu parles, Mathieu, là? Tu comprends, là? Non. Le bout, là. Elle bout, là. Elle bout. Donc, les Magnum sont de 0,5 pouces plus larges à la tête que les trojans réguliers. OK? Et une autre petite note là-dessus, une marque rivale, Lifestyles. Ils ont un condom qui s'appelle King XL, qui est roi, là, extra large. C'est tout le kit, là. King XL Diamond Super Mega Size, Super Size Me. Les statistiques de ces condoms-là sont exactement les mêmes que les trojans. Magnum. Que les trojans, ça dit juste les trojans normaux. Ah, OK, OK. T'sais, donc, c'est psychologique. Qu'est-ce que tu fais quand tu as vraiment besoin de plus grand que ça? Je pourrais pas vous dire. Enfin, je pourrais vous dire, mais ça vous rendrait trop jaloux. Ouais, non, c'est ça. Retiens-toi, Mathieu. C'est ce que je fais. Parfait. D'où l'utilisation. On t'en remercie, d'ailleurs. Oui, ben merci. Ça me fait bien plaisir. Ah, formidable. On finit sur une belle tête, une belle note. Un beau bout. Ouais, un beau bout. C'est ça. Bon déjeuner, tout le monde. Bon, ben oui. Ou dîner. Ou dîner. Dépendant si ou que vous quoi, ou que vous êtes en train de quoi. De non, mais il y en a qui écoutent les balados de diffusion, puis il y en a qui écoutent les meilleurs moments, puis... Ouais. Et aussi, ont besoin de faire sur les condoms Magnum, François, ils ont besoin de Slip Dog, un cookie, ça se fait si n'importe quoi. Tu t'en as dit, ça se fait si vite. C'est un peu ça que j'allais dire. Ouais, ça sonnait comme ça. Ça sonnait de même. Bon, donc voilà pour, pour la chronique que tu as fait aujourd'hui, François. C'était bien. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci, merci beaucoup. On s'entendra Lovely Feathers avec. Vite, mais là. Est-ce que tu préfères Loïsa? Moi, je veux le gros hit. Le gros hit, hein? Le gros hit ce matin. Quand on parle d'un méga hit, il faut faire. Méga hit. Bing! Bing! Relatif assez fou. Bing! Allez, non, mais ça, je m'excuse. Je m'excuse. C'est un. Que tu sois la matante la, qui. Non, je vais arrêter. La matante qui. Non, non, mais la matante qui écoute jamais, c'est fou. Elle écoute ce tune-là et elle tombe en amour. Ouais, mais c'est pas un hit avec... pour elle. Hein? C'est pas un hit pour elle. Ça va de. Tu l'écoutes et ça devient hit. OK. Ah! Ah, j'aime ça, c'est ça. C'est Insta hit. Ah, ça pourrait être notre slogan, ça. Insta hit. Insta hit. Un succès instantané présenté par Assemblage Requis. Oh, ça sonne doux à mes oreilles. Ah, mais ça. Vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées. Arrête de parler, parle ben pas. Ouais, il commence à chanter là, attention. Je sais quand est-ce, gars, il va commencer là, gars. C'est doux. Il va dire le was, when the was. Pas de suite, hein? When the was. Toi, t'aimes ça quand c'est vite. Ah! T'as radio. On en veut plus. On en veut plus, toujours plus, toujours plus. Tu veux que je la reparte? Ah, oh, s'il vous plaît. Je l'aime tellement, cette pièce-là. C'est complètement fou. En plus, avec le soleil, on dirait que ça me met vraiment de bonne mort. C'est lovely, c'est adorable. Oui, Lovely Feathers avec la pièce. C'était quoi la pièce, Mathieu? Loaiza. Loaiza. Et c'est très bon. Et c'est, voilà. C'est fantastique. C'est un succès instantané. Ouais, formidable. Comme on les appelle. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Stéphanie Gagné, sa collègue Ton Plat Favori. Elle va nous faire jouer de la bonne musique, comme toujours. Ouais, exactement. Après ça, on va parler de livres. Ouh! Oh, oui, avec une chronique littéraire de Marie-Pierre. Oui, ça fait un mois qu'on n'a pas vu Marie-Pierre Laforge-Bourret. Sérieux? Oui, ça fait très longtemps. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu pas m'arrêter. Oui, tu la vois, je l'ai entendu hier. Je l'ai apprécié aussi, évidemment. Mm-hmm. Évidemment. Donc, reste avec nous pour l'instant, c'est l'Info Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Deuxième heure de l'émission matinale en pièces détachées en ce mardi 8 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Mon François Olivier. Et pour débuter cette deuxième heure, quoi de mieux qu'un appel instantané qui vient tout juste d'arriver, que tu viens de lui raccrocher ça sur la table, ça a sûrement fait talk. Pow! Si tu fais ça, toi, t'es pas fin. Ok. T'es supposé le mettre la tête par en haut comme si ça fait pas mal aux gens. Ouais, ouais, comme ça. C'est comme le Movember, il y a des règles bien dures à parce que si je fais ça, là, Mathieu, là, elle va t'entendre parler dans son dos. Ah! Ah, ouais. T'sais, c'est pour ça que. Plus de même, t'as bien raison. Bon, hey, Steph, hein? Oh, on a hâte de te parler. Bon, ah, c'est déjà fini. Hey, merci, Steph. Hey, salut, Steph. C'est Stéphanie Gagné, voici ton plat favori. Non, tu comprends pas. Stéphanie, comprends bonjour. Pas, bonjour, les garçons. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, madame? Bien, vous autres? Oui, très bien, merci. Oui, t'as vu nos moustaches, hein? On peut pas aller mal avec ça. Oui, oui, j'ai vu une photo de ta moustache, Mathieu, hier. Merci, merci beaucoup. Je suis très fière. Moi, je suis full pro Movember. J'ai essayé de convaincre pas mal tout le monde que je connais de le faire. Ouais. Okay. Donc, oui, je trouve ça cool. Est-ce que tu le fais à ta façon? Non, non, non? Malheureusement, non. Tu t'es pas fait une petite moustache sur le doigt là, pour te la mettre devant la bouche, là, non? Ah, ça, je pourrais faire ça, mais par oui. exemple. C'est pas pire. Ouais, ça, mais il y a aussi... Ben, pour les femmes, en fait, là, qui arrêtent de se raser les jambes. OK, les jambes, ouais. Les jambes. Ouais. Non, mais est-ce que vous avez vu la vidéo de ce que les filles peuvent faire pour Movember? C'est sleep with a guy with a mustache day. Ouais. C'est quoi? La journée couche avec un gars qui a une moustache. Ah, ouais? Oui, ah. C'est le. C'est un massage de la prostate? Massage de la prostate, t'as dit ça en ongles? Il y a du sang. Ah, je sais pas, écoute, je sais pas si vous m'apprenez des choses. Oui, c'est ça, c'est le 18 novembre qu'il faut que les filles couchent avec un gars qui a une moustache. Mais comment ça fait qu'eux autres, c'est juste une fois dans le mois? Pourquoi c'est pas à tous les jours? Hein? Je sais pas. Solidarité féminine. Ouais, ah, bon, hey, merci, merci. Écoute, on t'en reparlera si ça fonctionne. Hein? C'est bon, vous m'en reparlerez. Ben, les deux, vous avez des blondes, fait que ouais. Ça doit être assez facile. C'est ça, je pense qu'une journée, c'est déjà trop pour eux autres. Hein? Non? Ah, tu parles de quoi, là? De la moustache? Ouais, en tout cas, bref. Ouais, je sais plus, là. Steph, de quoi tu nous parles aujourd'hui? T'as deux pièces à nous faire entendre. Je sais que t'as bien des choses à tricoter autour de ça. Oui, pour commencer, il y a le groupe The Like. C'est un de mes amis qui m'a fait écouter ça cette semaine. Ah, c'est pas bon, c'est un... ça? Oui, c'est super bon. C'est un groupe de filles pour les filles. C'est comme du rock années 60. Ça ressemble un peu à l'équivalent des Beatles au féminin, mais un petit peu plus rapide, avec... un petit peu plus moderne aussi. C'est très vintage. J'aime vraiment ça. Juste le look des filles, on dirait vraiment qu'ils sont sorties des années 60. C'est vraiment beau comment ils s'habillent, comment ils s'arrangent. Et avec les vidéoclips aussi en noir et blanc, c'est super beau. C'est un groupe qui s'est formé en 2001, mais qui, malheureusement, ils font plus rien depuis cette année. Au mois de mars, ils ont décidé de prendre une pause d'une durée indéterminée. Alors, on ne sait pas si le groupe va faire quelque chose dans le futur. Fait qu'il faut se contenter des deux albums qui ont sorti. Are You Thinking What I'm Thinking et Release Me, qui est un album produit par Mark Ronson. Alors, vraiment bon, je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler. Ça vient d'où, ça? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je pense que c'est américain. OK. Et puis, rappelle-nous le titre. The Like. The Like? Oui. The, T-H-E, espace, L-I-K-E.

La pièce Wildfires de The Limousines dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Avant, on a entendu la pièce He's Not a Boy par The Like. The Like. The Like. On aime ça. Ouais, on aime ça. On clique. On clique. Like. Bon. Pour aller avec les plats, le plat favori de Stéphanie Gagné, il y a toujours les crudités de François Olivier. Oui, exactement. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent personnellement, vous saviez que j'attendais impatiemment cette date. Oui. Et pourquoi donc? Pourquoi? C'est la sortie aujourd'hui de Call of Duty Modern Warfare 3. What? Oui! What? Oui! Wow! Je te le dis, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire, en fait, comment est-ce qu'on peut appeler ça? First person. Shooter à la première personne? Ouais, c'est ouais. Ça, exact. Jeu de tir à la première personne. Ouais, exactement. Et puis, c'est de la compagnie Infinity Ward qui nous avait laissé il y a 2 ans avec un Modern Warfare 2 haletant en solo et costaud en multi. Mais c'était exactement ça, en fait. Les missions, en fait, c'est relativement simple. Mm-hmm. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui peut être dur si on met au niveau commando. Mais sinon, tu commences pas par là. Ben, à la limite, oui, tu commences parce que c'est pas très long. Ça peut prendre à peu près 6-7 heures de jeu et t'as fait le tour du jeu. Ouais. C'est pas beaucoup. Non, c'est un mode multijoueur, donc... Mais c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est la force du jeu, c'est le mode multijoueur qui se joue sur Internet contre d'autres personnes. Il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin. Il y a tout simplement, il n'y a vraiment pas de fin. Tu peux jouer avec tes amis, tu peux jouer contre des gens que tu connais pas, tout simplement. C'est fantastique. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est ce jeu-là de tir à la première personne qui fonctionne le plus, alors que les autres, les jeux, à mon œil, de gars qui trouvent que le métal se ressemble tout, c'est, mettons, le rap se ressemble tout, ben, il me semble ça, les jeux de tir à la première personne ont l'air de tout se ressembler. Qu'est-ce qui fait que toi, t'aimes celui-là, cette série-là, la série Call of Duty? Très bonne question. J'ai essayé de m'arrêter pour y penser. On dirait que je suis pas capable. Ouais. Je suis pas capable de dire exactement c'est quoi. Écoute, c'est sûr que les graphiques sont sublimes, là. C'est merveilleux à ce niveau-là. C'est réaliste aussi. Tu sais, des fois, en fait, il y a des jeux pour avoir joué à d'autres jeux. Il y a des jeux de première personne, de tireur à la première personne, en tout cas. Whatever. Ouais, c'est ça, appelons ça comme on veut. Ouais. C'est pas du tout réaliste. Tu peux avoir 20 balles et puis t'es pas mort, tu sais. Ok, ouais. Il y a des trucs comme ça qui... Eux, ils ont plus le souci du détail. Il faut que ça ait l'air de... Comme dans la vraie le guerre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est réaliste. Les armes sont bien faites. Tu peux bâtir un bonhomme, en fait, dans le mode multijoueur, là, comme tu veux, avec l'équipement que tu veux. C'est sûr que, en fait, là, l'idée, c'est de débloquer aussi des armes au fur et à mesure. Mm-hmm. Comment je pourrais appeler ça? Pas des caractéristiques, mais genre de leveling up, là, comme dans les jeux de rôle. Là, ouais, c'est ça, exactement. L'expérience, les points. Ouais, c'est ça. Pas exactement ça, mais ouais. Ouais. Ouais. Débloquer des. En tout cas, des attributs, mettons. Ah, c'est bon, des attributs, j'aime ça. Donc, voilà. Ta moustache, mettons. La moustache, ouais, pas sûr que ça va être. Ils viennent tous avec une moustache, je pense, eux autres, elles sont tellement viriles. Ah, mais écoute, et puis, j'invite les gens, d'ailleurs, à aller voir le site internet. www.callofduty.com. Allez voir les vidéos, c'est complètement renversant. On peut voir aussi, il y a un mode survivant, où ce que là, en fait, là, l'idée, c'est de survivre, tout simplement. Où ce que ça pète de tous les bords, et c'est fantastique. Il y a le mode multiplayer aussi, qu'on dit qui est plus gros et meilleur que jamais. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Je vous avoue que je pense que je vais aller l'acheter tantôt. Ah s'il oui! S'il en reste, je ne l'ai pas précommandé. Non, parce qu'on rappelle, c'est ça, tu l'as pas précommandé, donc t'es pas sûr d'en avoir. Là. Ça se pourrait qu'il y ait un manque de stock, mais c'est très populaire, cette affaire-là. Ça se peut, mais j'imagine qu'ils doivent en sortir quand même en quantité industrielle. J'espère pour eux autres. Sinon, ils pourraient faire comme certaines compagnies et créer de la fausse demande. Là. Ouais. Ça arrive, ça aussi. Ouais. Mais c'est fantastique et ça sort aujourd'hui. Donc, Comme on l'a dit à la sortie de Modern Warfare 2, la linéologie, comment dire, l'arbre généalogique de Call of Duty est assez compliqué quand même parce que tu as eu Call of Duty 2, 3, ensuite World at War sans chiffre, Black Ops sans chiffre, ensuite 4 Modern Warfare. Et là, il y a eu la sous-série Modern Warfare, mais ils ont enlevé le 4 de Call of Duty, ce qui fait Modern Warfare 2, mais qui est Call of Duty 4 version 2, et ensuite le 3. Ah, écoute, c'est vraiment compliqué. Eux autres, hein, ils sont dans le temps, ils reviennent. C'est n'importe quoi. Ouais. Allez voir la page Wikipédia de juste Call of Duty et essayez de comprendre, voir. Ouais. Essayez voir. Il y a une, c'est bien expliqué, par contre. Voilà, mais allez-y. Allez-y. Jouez allègrement. Et oui, écoute, il faut que j'en parle parce que ça court et puis j'en ai eu vent en fin de semaine en écoutant la télévision. Ce jeu-là peut rendre violent, mais... Ah, mais là, faut que t'aies des racines violentes à l'intérieur des chaînes de violence. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, on se rappelle du soir en Norvège là, qui est allé sur une île qui avait tué. Il y en a qui disent parce qu'il jouait à ce jeu-là. Et ce truc-là. Mais c'est sûr que... Dans le... Puis, écoute, je te cache pas que, oui, ça prend peut-être un certain âge pour jouer à ça. Oui, ben c'est sûr. Puis c'est d'où la loi de vente de jeux vidéo à des mineurs. Que, non, c'est ça, c'est ça, exactement. Je sais pas si je suis prêt, si, exemple, mon gars de 12 ans jouerait à ça jour et nuit. Non, c'est sûr, c'est ça. À un moment donné, là, faut mettre des limites, là, mais... Exact. Et c'est ça, c'est aux parents, hein? C'est aux parents de faire ça. Oh, oui, c'est ça, exactement. Et puis, Mathieu, écoute, je t'en reparle la semaine prochaine. Je veux pas t'en reparler demain si je l'ai acheté ce soir. Parce que il faut vraiment en fait que on joue un peu. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc je me laisse une semaine, en fin de semaine. Ta blonde va pouvoir lire. Oh, écoute, elle fera ce qu'elle voudra. Elle écoutera la galette de Marie-Pierre et puis c'était ça un rire de ta blonde, ça? Non, je pense pas. Tu limites bien. Ben ça pas, je limite pas. Good, tant mieux parce que tu vas en entendre parler sinon. Hein? Ouais, je pense que c'est pour ça que je dis que je limite pas. Donc, ça, c'était tes crudités de François-Olivier. Félicitations. Beau travail. Fait plaisir. Puis je t'en reparle, comme je te dis. Oui, t'es mieux. Sinon, on va te leur demander. Inquiète-toi. Bon. Moi, c'est mon dessert délicieux de Mathieu. Pour terminer ça, évidemment. Et encore une fois, ça arrive une fois de temps en temps. J'essaie de pas le faire trop souvent. Parce que si je me retenais pas, François, je te parlerais d'une différente série que je me tape. De séries télé à chaque semaine. Okay. Parce que c'est pas mal ce qu'on fait de nos passe-temps. Bon, fin de semaine. On a une TV qu'on paye le câble puis on ne l'écoute pas, on écoute des séries télé à la place sur DVD. T'sais. Et donc, j'en ai sauté quelques-unes dans celles que j'ai regardées parce que vraiment, on en regarde vraiment beaucoup. Et dont je veux te parler. On vient de commencer, on est rendu à la moitié de la saison 1, il y a deux saisons. OK. Ça s'appelle Jesse. C'était une sitcom sur NBC entre 98 et 2000. Jesse? Jesse, J-E-S-S-E, ouais. Créé par les mêmes gens qui ont fait Friends. Donc, déjà là, moi, c'est sûr que j'avais envie. Moi, j'ai regardé cette série-là. Ça part de longueur d'avance. Ça de longueur d'avance. J'ai commencé à écouter ça en 98 quand ça a commencé, en prime time, juste après Friends. Et j'avais adoré ça, mais j'avais pas tout vu les épisodes. Donc là, récemment, je me suis procuré cette série-là qui n'est pas sur DVD en passant, qui est seulement sur les internets. Et j'adore. C'est l'histoire de Jesse, jouée par Christine Applegate, que tu connais peut-être pour des films qu'elle a fait. Si tu connais peut-être la face, si tu vas la taper sur Google, Christina Applegate. Donc, elle joue le rôle de Jesse Warner, une mère célibataire d'un fils de 9 ans, dans la grande ville. Là. Elle travaille dans un bar genre un peu allemand, si on veut, à Buffalo, New York. Et puis elle a un amoureux là-dedans qui s'appelle Diego. Et Diego est un personnage latino, tu sais, super suave, super là, tu sais, vraiment. Sensual. Il est sensual à mort. Et moi, sérieusement, le personnage de Diego est mon personnage préféré de la série. Et après le retrait de la série en 2000, après sa deuxième saison, j'aurais vraiment aimé ça s'ils avaient pris Diego pour le mettre dans une autre de leur série comme Friends. C'est un personnage qui marcherait n'importe où, tellement qu'il est génial, ce personnage-là. Juste dans sa façon d'agir, puis son humour, puis tout ça. Vraiment très, très drôle. Donc, bref, il y a une histoire d'amour entre les deux. Et là, à un moment donné, l'ex de Jesse revient en ville. Et là, il y a comme un genre de duel entre l'ex de Jesse, qui l'a abandonné il y a 7 ans avec son fils, et Diego, qui est son nouvel amoureux. Puis là, il y a toute une histoire qui se passe autour de ça. C'est des scénarios. C'est une comédie à scénario. C'est pas drôle. Ha, ha, ha. Mais c'est cocasse. Et ce qui est le fun, c'est des personnages originaux qui font que la série a un petit quelque chose. C'est pas juste une autre copie de Friends. Parce que oui, bon, t'as les amis de filles de Jesse qui vont travailler avec elle puis qui vont être dans sa vie. T'as la famille de Jesse, bon, son père puis son frère dans la première saison. Surtout parce que la série a comme changé à mi-chemin. Mais bon, pour la première saison, c'est son frère. Ses deux frères et son père. Son père sert absolument à rien. Un de ses frères est quand même drôle. A comme une relation avec les amis de Jesse. Et l'autre, ce qui est original, c'est que son autre frère, il parle pas dans la série. Je sais pas si c'était pour sauver de l'argent, ils ont dit ça se peut. Tu vas être figurant. Mais ça coûte moins cher. C'est ça, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment drôle parce qu'il va tout le temps, genre, juste avoir l'air drôle de sa face, où il va faire quelque chose, il va tout le temps surprendre par ses mouvements, sa façon d'être. Okay. Donc, c'est ça. Il fait juste pas parler. Donc, c'est ça, ses deux frères et son père pendant la première saison. Ensuite, dans la deuxième saison, spoiler pour ceux qui vont regarder la série, je vous le dis tout de suite, sont remplacés par l'école de médecine, genre, où Jesse va étudier. Donc, il va y avoir ses collègues à l'hôpital à la place d'avoir sa famille. La série a été retirée, comme je disais, après la deuxième saison parce que, en fait, c'est pas par manque de codes d'écoute, parce que c'était dans le top 20 très régulièrement des codes d'écoute aux États-Unis. Par contre, c'est que ça perdait un gros pourcentage de Friends qui était juste avant. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, eux, tu sais, dans ce temps-là, sur NBC, c'était t'as Friends, puis là, t'as une comédie Nowhere, c'est ça, t'as les autres après, puis il faut juste que tu, genre, sois égal à peu près à Friends pour rester là. tu ne dures pas tellement nécessairement longtemps sinon. Okay. Donc voilà, c'est Jesse. Je ne vous en parle pas plus longtemps que ça. Ça vous tente d'aller voir sur YouTube, entre autres, et puis sur les différents internets. Jesse. Et puis, on va écouter la chanson thème parce que moi, je l'aime bien. C'est rare les émissions qui ont une chanson thème longue. Donc, ouais, c'est une vraie chanson faite par un vrai groupe, un peu comme Friends. Donc, on va entendre The Tories. Ça, cette chanson-là, dans le temps que Jesse jouait à la télé, tu sais, il n'y avait pas tellement Internet, c'était pas si populaire que ça, t'sais. Fait qu'il n'y avait pas tant de monde que ça pour nous dire c'était quoi la chanson, puis il n'y avait aucune place où la trouver. Puis là, récemment, dans les derniers mois, à un moment donné, je cherchais, puis j'ai trouvé ça. Donc, la voici, The Tories, Time for You, chanson thème de Jesse. Assemblage Rocky! Je me demandais à quoi est-ce que ça ressemble, je te dirais, à toutes les chansons thèmes des émissions de télé des années 90. Ouais, mais ça ressemble à un groupe de musique. Ah, ça se peut. C'était The Tories avec Time For You, chanson de l'émission Jesse, donc, dont j'ai parlé dans ma chronique Ton plat favori. Ouais, formidable. Merci, Mathieu. Merci, c'est la fin donc de la chronique. Ton plat favori avec les crudités, le dessert, et ton plat favori de Stéphanie Gagné. Oui. On les remercie tous. Merci, merci. Et puis on prend une petite pause, on revient avec la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis, se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Et oui. Oui. Oui, bonjour, c'est moi. Salut. Mathieu Plante. Ça va bien. Pourquoi on parle comme ça? Je sais pas. C'est pas le fun, c'est le fun. C'est le fun. C'est du fun, hein, Maria? C'est à cause des moustaches. Hey, bonjour, madame. Ah, c'est à cause des moustaches, elle l'a dit. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça nous va bien quand même? Ou... Quelle question à poser. Je lise mes notes pour la chronique. Oh, ça va. Boy. Ça va, c'est pas les pires que j'ai vus. Non. Ouais. C'est quoi les pires que t'as vus? Mon chum. Ouais? Ah, il peut espérer ça. Ah non, c'était pas beau. Et comment? Ben, lui, il l'avait comme... il l'avait mis pour le 1er novembre. Ouais, ouais. Comme, il avait fait un reset la veille pour pouvoir montrer, arborer sa belle moustache le 1er du mois. Uh-huh. Et c'est ça. Mais là, il l'a encore. Le soir. Hein? Non? Ah, non, parce que là, il a fait un reset pour la commencer pour de vrai pour le mois de novembre. Okay. Parce que les règles, c'est pas trop clair. Hein? Non, mais sérieusement, je pense qu'il faut des diagrammes et un PDF de 85 pages là, pour ça. Là, parce que là, il n'y a pas le poids sur le menton, il faut que ce soit juste la mouche. Non, mais on s'en sac des règles. Tu sais, il n'y en a pas de règles. Là. Ah, OK. Non, mais il y en a. Rebelle, maudit rebelle. Non, mais... Règle numéro 108, il n'y en a pas de règles. Non, mais on ne parle pas de fight là. Non, mais c'est vrai, Krim, on peut pas. Tu sais, moi, je trouve ça stupide. En autant que. Tu portes... une moustache quelconque. Ouais, hein, même si y a d'autres choses autour, t'as une moustache pareille. C'est pas parce que t'as une barbe, t'as pas de moustache, mais non. Ah, ben, c'est la chronique littéraire. Ça n'a rien à voir avec les moustaches. Parle-nous de livre. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et même si ça fait un mois qu'on n'a pas eu de chronique littéraire, j'ai pas pensé de la lever avec Clochette. Je sais qu'elle n'aime pas les Clochettes de sa chanson. Ah. Donc, Clochette, t'es prête, attention. Oui, je suis prête. Défi à relever, Clochette. Ah, bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Chronique littéraire après un mois d'absence là, à cause de semaines de relâche et de ci pis de ça, puis dans ton coin, puis comment t'appelles ça ta ville? Là? Comment j'appelle ta ça ma ville? Comment s'appelle? Dans le coin de Joliette. Joliette! Comme beaucoup de monde qui étudie à Trois-Rivières. Ah oui, tu trouves? Beaucoup de gens de Joliette? Mm-hmm. Ah, je savais pas ça. Eh ben. Bon. On est envahis par des Jolietteux. Toi, teinteux. Tain. Simon Fitzbé vient de là. Ah ouais? Ouais. Ben, du coin? Ah, je savais même pas. Ouais, Joliette? Bon, ben, c'est un fait intéressant, tout ça. Hein, c'est... On y demandera. Ouais. Mais pourquoi tu l'aimes pas? C'est... Ben oui. Ben oui. J'ai rien contre Simon. Salut-le. Salut Simon. Bon. C'est lui qui m'impose des règles sur ma moustache. C'est lui qui m'a dit t'as pas une moustache, t'as des poils en dessous. Ouais. Ben oui, mais il vient de Joliette. C'est ce que je te dis. Là-bas, le monde, ils sont bizarres. Mais c'est qu'on c'est parle gentil, de... merci. On parle de tout son livre. Oui, est-ce que je peux parler de mon livre? Vas-y. Après ça, on reviendra sur les moustaches. D'accord. C'est un auteur de Joliette, ça? Hein? C'est un auteur de Joliette ou? Non, pas du tout. Il vient d'où? Ben, écoute-moi pas avec mes questions. Ben, je te laisse aller. OK. Je vais fermer son micro. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Ça fait un peu drôle de parler de ce livre-là le matin parce que c'est pas le genre de truc que tu as envie de parler et d'entendre parler le matin. C'est quoi? C'est violent? C'est sexuel? Non, gore? C'est Putain de Nelly Arcand. Je viens vous parler de ce livre-là parce que j'avais jamais lu Nelly Arcand. J'avais entendu de très bonnes choses sur ses livres. Et bon, elle avait une image médiatisée et tout ça. Donc, moi, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais lue. Et j'ai décidé d'embarquer dans ça pour la chronique. Donc, avant tout, je vais préciser que c'est une autofiction. Autofiction comme dans biographie un peu mise en fiction. Mm-hmm. Donc, il est difficile de différencier ce qui est biographique et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un gros mélange des deux. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme étudiante en littérature qui se prostitue, une prostituée de luxe, donc pas dans les rues. Et c'est autour de ça l'histoire, à Montréal. Elle, c'est ça, c'était un peu ça. C'est ça, mais je vais y revenir plus tard. Parce que c'est un gros mélange de tout plein de choses. Okay. Donc, c'est l'histoire, c'est un sujet qui est controversé parce que c'est rare qu'on en entend parler. Moi, c'était la première fois que je lisais un livre... actuel, un livre contemporain sur ça, parce que bon, dans les siècles du 18e siècle, etc., il y en a beaucoup. Bon, c'est les libertins, etc. Ouais. Donc, la sexualité est au centre souvent des romans. C'était le premier livre contemporain que je lisais sur ce style de sujet-là. Et j'avertis tout de suite. C'est cru. C'est très cru. Mais c'est justifié. Donc, c'est pas cru pour être cru. Ça va avec le sujet, ça va avec la manière dont elle veut nous en parler. Quand tu dis cru, est-ce que c'est quand elle décrit des situations? Ou... Dans toutes sortes de situations. Ouais? Okay. Ouais. Entre autres, dans le livre, oui, c'est une prostituée de luxe qui nous parle de ses aventures avec différents hommes qui ont souvent l'âge que pourrait avoir son père. Mais dans le livre, il est question beaucoup, beaucoup du lien à la mère parce que, sa mère, on semble comprendre que la mère du personnage est malade, mais elle la compare toujours à une larve, donc une larve qui est toujours couchée dans son lit. Donc, on sent qu'elle n'a pas vraiment de lien avec sa mère et qu'elle ne cherche pas à en avoir parce que sa mère étant une larve, entre guillemets, ça va contre toute la vision qu'elle a de la femme. Donc, la femme qui se doit d'être belle, forte. qui se doit d'être forte, pas nécessairement. Non, mais forte de caractère, j'imagine, parce que si tu fais non? Plus ou moins, c'est plus au niveau de l'apparence. Donc, la perfection, l'entraînement, chirurgie plastique, ça englobe tout ça. L'idée de rester jeune pour toujours. Donc, il ne faut pas vieillir. Et ça, c'est entre autres au centre du roman. Et sa mère qui vieillit, qui ne fait rien, ça va contre tout ce qu'elle veut devenir, tout ce que la personnage veut devenir, l'alter ego de Nelly Arcan. Et également, il y a beaucoup, beaucoup le lien au père. Donc, le père qui a été présent pendant l'enfance, mais un lien un peu terni, on peut dire ça, parce qu'en exerçant la profession qu'elle fait, le plus vieux métier du monde, elle s'imagine toujours que son père pourrait être l'homme qui arrive derrière la porte. Donc, c'est toujours un peu l'inceste au centre de ce livre-là. Et oui. C'est, je m'attendais pas nécessairement à ça, parce que, oui, elle parle de la prostitution, mais c'est autant avec sa vision de tout ça qu'avec son histoire personnelle qui vient un peu mélanger les cartes. Donc, mais c'est ça, exactement. Ça, est-ce qu'elle parle de son enfance? Oui, elle nous parle, pendant des passages, elle nous parle de comment c'était dans son enfance, de sa relation avec sa mère, de certains souvenirs qu'elle a. Ben, souvenirs qu'elle a, on ne sait pas si c'est des réels souvenirs ou si c'est une fiction. C'est tout le temps... Moi, je trouve ça embêtant, ces livres-là. Ben, je pense que c'est ça, le plaisir des autofictions, c'est que tu ne sais jamais ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. En même temps, tu prends ce que tu veux. Oui. Tu prends ce que tu veux. Et tu souhaites, dans son cas, que ça soit pas tout vrai. C'est à ce point-là, tu le dis, c'est tellement grossi, c'est tellement une hyperbole que tu te dis, mon Dieu, ça se peut pas. Mais en même temps, tu le sais qu'il y a des choses là-dedans qui doivent être vraies, mais tu veux pas qu'elles soient vraies. Ou c'est tout un mélange un peu comme ça. Et bon, c'est pas pour rien qu'elle parle de son enfance, de la relation mère, au père, au client, dans le bureau du psychanalyste. Donc, c'est comme tout le livre est en soi un exutoire un peu... elle veut nommer le mal qu'elle a. Elle semble le connaître, mais elle n'est pas capable de le nommer en même temps. Donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'elle nous en parle tout le livre. Mais, de son malaise? De son mal? Oui, qu'on n'arrive pas nécessairement à définir, mais on comprend en gros que c'est la relation au père, la relation avec la mère, l'apparence. Donc, ça tourne autour de ça. Et justement, des fois, moi, en commençant à lire, j'étais un peu déçue, parce qu'au bout de la 50e page, j'étais comme, ben voyons, elle parle tout le temps des mêmes choses. Il reste encore une centaine de pages, 130 pages. J'avais l'impression qu'elle avait fait le tour. Tu sais, tu te dis, oh, il me semble qu'elle a tout dit en 50 pages. C'est drôle, c'est pesant, c'est pas... Ouais. Ben, c'est parce que tu vois pas où est-ce qu'elle s'en va, mais quand tu passes le cap des 50 pages, t'embarques plus. Il y a des passages qui sont très, très denses, qui sont très, très... c'est une belle écriture, là. C'est pas juste en parler, c'est... l'auteur fait des phrases d'une page avec que des virgules sans point. Ah oui. Donc, elle manie la virgule là, comme une pro. Là, c'est complètement... Comment tu peux donner autant de rythme à un texte sans mettre jamais de point? Il faut quoi, que tu sois... il faut que tu sois doué parce que ça coule. Et en même temps, le fait de mettre toujours des virgules, pas de points, c'est un peu comme... Ça donne l'idée d'un délire parce que, bon, elle parle tout le temps des mêmes thèmes, des mêmes sujets, des mêmes événements, mais un petit peu. Et c'est toujours dans des mots différents et c'est toujours des virgules. Elle dit un propos, elle justifie autrement, elle en parle autrement. Fait que ça devient un peu un genre de délire... sur les mêmes sujets. Mais j'imagine qu'il ne faut pas que tu t'attardes à ça. Mais c'est ça qui est beau. Ouais? Moi, c'est... Bon, sur le coup, tu... Bon, je dirais que quand j'ai lu le roman, en le lisant, j'ai pas capoté, là. Tu sais, je suis pas virée de... j'ai pas tombé de ma chaise ou quoi que ce soit, mais c'est après, quand tu te mets à réfléchir, puis tu te fais « Oh, là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce livre-là que sur le coup, quand tu le lis, ben, tu te dis « Ouais, ben, OK, ça va, tu sais. » Elle parle tout le temps des mêmes choses, c'est cru... Mais en même temps, les longues phrases, puis la manière qu'elle en tourne, puis l'idée un peu de délire, c'est ce qui fait la beauté du roman. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais pu ne pas en parler, puis dire « ouais ». Parce que finalement, j'ai pas aimé ça. C'est sûr qu'il y a du bon. Donc, moi, c'est le style que j'ai beaucoup apprécié, puis la manière de parler des sujets, un langage cru qui est justifié. Mais en même temps, c'est comme... Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais globalement, c'est un très bon roman. Et oui, aussi, tu sais, bon, l'apparence est très, très, très importante pour le personnage. Et c'est toujours mis un peu en lien avec les contes de fées. Bon, les contes de fées, il y a la princesse, la belle princesse, qui est toujours très belle, qui est parfaite. Bon, on sait c'est quoi une princesse dans un conte de fées, hein? Dans un conte de fées moderne. Ouais. Et l'homme qui est souvent, bon, c'est une grenouille, c'est un bossu, c'est une bête. Eux, les, comme le lien entre les hommes et les femmes, les hommes ont droit d'être les bêtes, d'être une grenouille dans les contes, alors que les filles se doivent d'être des princesses. Donc, c'est toujours un peu... elle va chercher des liens littéraires ailleurs. Puis c'est moi, c'est ce que j'ai aimé aussi. Donc, elle reste pas toujours avec son sujet. Elle dévie ailleurs pour aller chercher des éléments ailleurs. Ouais, donc moi, c'est en gros ce que j'ai aimé. Et aussi, bon, comme tu disais tantôt, comment on fait pour savoir dans une autofiction qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais je dirais que le fait que c'est une autofiction puis qu'on ne s'est pas séparé de le vrai du faux, c'est aussi ce qui fait la beauté de l'œuvre. Parce que, bon, comme j'ai dit tantôt, tu ne veux pas que ça soit arrivé, mais en même temps, c'est comme une grosse hyperbole. Je dirais c'est une grosse hyperbole probablement d'événements, mais on le sait, encore là, on le sait pas. Donc, c'est toujours... Non, et on le saura jamais maintenant. Oui, puis... Ouais, genre. Donc, mais oui, je vous le conseille. C'est Putain de Nelly Arcand. Un peu cru, mais au final, très, très, très agréable. Et ouais. Toi, est-ce que tu l'as lu après qu'elle soit morte ou... Je viens juste de le lire. OK. Donc, j'avais jamais lu Nelly Arcand. OK. Et c'était un peu le danger, justement, parce que... Au moment où elle est décédée, j'avais un cours de littérature actuelle et justement, elle s'en parlait dans les journaux, comme quoi, bon, ça s'annonce dans son œuvre et tout ça. Mais en même temps, le danger en lisant l'œuvre après qu'elle soit décédée, c'est de dire « Ah oui, ça se voit de tellement » puis de chercher quelque chose, les indices. Puis, parce que son œuvre, c'est pas ça. C'est pas un roman policier, là, son œuvre. Faut faire un peu fi de ça et se dire que c'est une œuvre en soi. C'est sûr qu'il y a de la personnalité de son auteur dedans, mais en même temps, c'est une œuvre complète et que t'as pas besoin de chercher des indices. Là. C'est pas ça le but. Donc, c'est de faire attention quand on lit ça après. Puis c'est comme ça pour tout plein d'auteurs qui ont été dans la même situation. Donc, faut juste comme apprendre à le prendre le roman pour soi. Parfait. Est-ce que tu as eu beaucoup de lectures pendant le mois d'absence à l'émission? Est-ce que tu t'es fait un genre de banque de stash? Une stache de livres pour les prochaines chroniques? Ben, des choix ou des lectures? Les deux. Attends, ouais, les deux, mettons. Hein? Ben, j'ai pensé à des choix, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de lectures. OK, OK. T'as réservé les titres, mais tu les as pas encore lus. Ouais. D'accord. On va te retrouver donc dans deux semaines, mardi à 8h30. Eh oui. Puis, justement, tu sais, tantôt, on parlait de moustaches, là. Mais moi, j'ai une anecdote pour vous. Hey, raconte-moi des histoires de moustaches, hein. Quand j'avais à peu près 4-5 ans, okay. Dans les années 90, c'était la mode des papas à moustache, là, un peu comme là, ce mois-ci. Là. Ouais, ouais. Et quand j'étais jeune, à un certain moment, je sortais du bain. T'sais, tu sors du bain, tu t'en vas dans ta chambre, tu allumes la lumière, elle est brûlée. T'sais. Fait que là, tu dis, tu appelles ton père, là, papa, c'est parce que la lumière est brûlée. T'sais. Fait que mon père était venu la changer et il a vissé l'ampoule et au moment où le déclic s'est fait, là, l'ampoule a été vissée, la lumière s'est allumée et mon papa n'avait plus de moustache. Non! Donc, il avait rasé pendant que moi, j'avais pas vu ça. Et au moment où il a allumé la lumière, plus de moustache. Donc, tu sais, oui, ce mois-ci, vous vous faites pousser la moustache, mais il y a un moment où c'était les raser les moustaches. Non, c'est ça exactement. Puis j'imagine que quand ça fait 20 ans que t'apportes, les gens sont comme habitués de t'avoir avec ça. C'est ça. T'as un petit bronzage partout sauf sa moustache quand tu rases aussi. Mais j'avais déjà entendu cette histoire. Ouais, c'est ça. Il faut la compter. Parce qu'on va raconter, Marie-Pierre a raconté la même histoire au Palmarès C'est Fou la semaine passée. Et Mathieu t'a chicané d'ailleurs. Oui. Parce que t'avais compté le punch un peu. Ben oui, là, je me suis dit, tu sais, il me dit en hors d'onde, il me dit, t'as raconteras la semaine prochaine. Ouais, je l'ai raconté. Tu as dit que tu la raconterais la semaine prochaine sans voler le punch. C'est un peu toi qui t'es aventureux. Mais t'as réussi, t'as pas volé le punch. Ouais, bravo. Ouais. T'as pas volé le punch. Mais je l'avais entendu. Je vous écoute. Ça paraît, notre boss. Attention, faire attention à ce qu'on dit. Donc, merci Marie-Pierre. Et excellent. Comment tu dis ça? Excellent raconte. T'es bonne pour raconter l'histoire. Ah, merci. Tu vois que je suis pas poète ni écrivain. Je sais pas comment construire des phrases avec verbe et complément. Mais tu te débrouilles assez bien. Ouais. Ah ouais. Mardi prochain, 8h30. Ça te va? Mardi dans deux semaines. Yeah, rock on! Oui, dans deux semaines. Et les palmarès, c'est fou, les jeudis après-midi à 14h. Oui. Ouais. Est-ce que t'as dit rock on pour une chronique littéraire? Ah, je trouvais que ça fitait pas. Ça fitait pas. Non, telle une moustache à la soupe. Non? Okay. Alors, on va attendre une pièce de Marie-Pierre Arthur que tu nous as choisie, Marie-Pierre. Oui. Parce qu'on t'a imposé du francophone. Eh oui, j'aurais choisi autre chose, mais ça va. J'aime beaucoup Marie-Pierre Arthur. Quelle pièce tu nous proposes? Le vent m'appelle par mon prénom. C'est exactement ça. Ton prénom, c'est quand même Marie-Pierre aussi. Ben aussi oui. Un lien. Est-ce qu'on peut voir un lien ici? Non. Non? Le vent, est-ce qu'il vent dehors? Non. Non. Je sais pas. Une chance que le vent t'appelle pas par ton prénom et ton nom de famille parce qu'il soufflerait longtemps. Dans le dans le flou bruyant, dur à voir si les étoiles brillent. Entre deux essoufflements fétides et trois bouchons sous l'un, dur à croire que la vie scintille. Un fantôme en abîme au beau milieu de millions d'années. Je suis déraciné, ma vie dans un cinéma, dans un film anonyme, dans un rôle. Sans couleur, sans pouvoir arrêter l'heure, va savoir si le cœur tient bon. Je suis un fantôme en abîme, au beau milieu de millions d'anonymes, au beau milieu de tous ces fous qui dansent. Je m'imagine le chant d'une mer immense. Mais quand je reviens d'où je viens, mon horizon, le ciel ne prend pas Pacemaker, la pâte à rose. Pâte à rose. C'était le choix de Marie-Pierre La Forge-Bourret. Très bon choix. Merci, bien Marie-Pierre. Hey, est-ce quelque chose qu'elle fait pas comme faux tant qu'à ça, tu sais? Je sais pas. Mettons qu'on se trouve. Mais qu'elle revienne plus souvent. Ben, c'est ça. Deux semaines, c'est quand même. Une chance que ton parleur reste fou. Un mois. Ouais, c'est ça. Au moins, je l'entends. J'entends les punchs qu'elle nous compte dans l'émission ici. Avant ses histoires. Avant, donc, c'est ça. C'est bien pour moi. Elle apprend à raconter des histoires. C'est tout pour notre émission. On se retrouve demain matin à 7h avec à 8h demain. Dans le fond, dans l'émission de 7h à 8h, mettons. Okay. 7h à 9h. 7h à 9h, mettons. Okay. À 8h, au milieu, mettons, comme Myriam Fugère. Oh! Sa chronique aléatoire. Mimi! C'est comme le centre au. Mimi? Mimi. Mimi. Le centre au caramel. Oui? Voilà. Ensuite, à 8h30. Mimou? Mimi? Non, là, par contre, non. Oh. Non. Qu'est-ce qu'on a à 8h30 demain? Demain, à 8h30, puis Yann Martel. Ouais. Il me parle de l'aide financière. Wow! Hein? Ouais. C'est quelque chose. Mimou? Ben ouais, ben là, tu m'as chicané. Ben, c'est parce que c'était un petit peu déplacé. Ah ben, je m'excuse. C'est pas grave. Je m'excuse, Mathieu. Ben là, t'es excusé, là. Finalement, on recommence. Bon! Bon. Hey, Mimou Midur. C'est ça, exactement. Restez. Mimi Plante. Ça m'énerve tellement. Ah non. À 9h, c'est la sécheuse. À 11h, c'est Dîner de con. C'est pour cacher ma haine. À 11h, c'est le Dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite, en après-midi, si vous avez raté le voyage de cette album classique. Et puis, on vient en direct avec Drôle de Drouin à 15h, une dose d'estrogène à 16h. Et en soirée, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Oui. Allez voir sur cif.ca pour toute la programmation et sur assemblagerequis.com. Pour la haine de Mathieu. Oui, et des photos de ta moustache et les notes de l'émission. La page Facebook, les balado-diffusions, etc. Y a-t-il quoi qu'il n'y a pas sur ce site-là? Ben non, c'est ça. Hey, on s'en pose des questions sur qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la vie, puis qu'est-ce que quelqu'un n'est pas, puis les défauts de quelqu'un, puis c'est puis ça. Défauts de quelqu'un? Les défauts de quelqu'un. On cherchait les défauts de Marie-Pierre. Ah. On en a trouvé plein. Avant sa chronique. Liste-les. Non, mais. M'a dit de pas en parler. En plus, c'est toi qui arrêtais pas d'en nommer. Hey, j'ai envie d'entendre la musique. C'est pas vrai. Voici Johnny Sack et un remix de Comment ça va, Mark Hamilton. C'est bon, ça. Moi, j'aime ça. On se quitte là-dessus. À demain, 7h. Bye. Bye bye. Comment ça va, Mark Hamilton? Est-ce que t'as pas encore des années? Tu as marre de ton succès qui t'a porté que des regrets. Et si tu recommencerais, dis-moi. Et si tu recommencerais, dis-moi. Le show-business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Ce monde est catégorisé, presque impossible d'y entrer. À moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir entrer, dis-moi. Pourquoi vouloir continuer, dis-moi. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Gros, tout sera cicatrisé.